17e soirée. Écoutez ce que la lune m'a raconté. J'ai vu de jeunes sous-officiers devenir officiers et revêtir pour la première fois leur brillant uniforme. J'ai vu de jeunes filles dans leur parure de mariée. J'ai vu la jeune fiancée d'un prince, heureuse de ses brillants atours. Mais jamais je n'ai vu un bonheur pareil à celui d'une petite fille de 4 ans que j'ai observée ce soir. On lui avait donné une robe bleue toute neuve avec un chapeau neuf couleur rose. On venait d'habiller la petite de toutes ces choses magnifiques et on demandait à grands cris de la lumière car mes rayons n'étaient pas assez brillants. Il fallait un tout autre flambeau. La voilà, cette petite fille, roide comme une poupée, relevant soigneusement les bras pour ne pas toucher à sa robe et écartant ses doigts les uns des autres. Quel bonheur rayonnait dans ses yeux, dans toute sa figure. « Demain, tu vas sortir avec cette robe, » disait la mère, pendant que la petite, avec un sourire de bonheur, regardait tantôt son chapeau, tantôt sa robe. « Maman, » s'écria-t-elle enfin, « qu'est-ce que les petits chiens vont donc dire quand ils vont me voir avec ces belles choses ?»